Le secret du lac, une enquête de Dorcas Dean, détective, par George R. Sims. Chapitre 1er. L'homme aux yeux fous. J'étais devenu un visiteur régulier à Oaktree Road. J'avais conçu une grande admiration pour cette femme courageuse et néanmoins féminine, qui, alors que son mari artiste était frappé de cécité et que l'avenir s'annonçait sombre pour eux deux, avait galamment tiré le meilleur parti de ses dons et de ses possibilités spéciales et avait noblement entrepris une profession qui était non seulement harassante et épuisante pour une femme, mais qui n'était pas non plus exempte de danger. Dorcas Dean était toujours heureuse de m'accueillir pour le bien de son mari. « Paul s'est énormément attaché à vous, » me dit-elle un après-midi, « et j'espère que vous viendrez passer une heure ou deux avec lui chaque fois que vous le pourrez. » Mes affaires m'éloignent tellement de la maison. Il ne peut pas lire, et ma mère, avec les meilleures intentions du monde, n'arrive jamais à converser avec lui pendant plus de 5 minutes sans l'irriter. Sa vision terriblement factuelle de la vie est, pour reprendre sa propre expression, absolument corrosive pour son tempérament rêveur et artistique. J'avais beaucoup de temps libre, et c'est ainsi que je pris l'habitude de passer 2 ou 3 fois par semaine pour fumer une pipe et bavarder avec Paul Dean. Sa conversation était toujours intéressante et la douce résignation avec laquelle il supportait son terrible malheur me toucha rapidement au cœur. Mais je n'ai pas honte d'avouer que mes fréquentes visites à Oaktree Road étaient aussi largement influencées par mon désir de voir Dorcas Dean et de l'entendre raconter ses étranges aventures et expériences en tant que dame détective. Dès qu'elle a su que son mari appréciait ma compagnie, elle me traita comme un membre de la famille. Et lorsque j'avais la chance de la trouver chez elle, elle discutait ouvertement de ses affaires professionnelles devant moi. Je lui étais reconnaissant de cette confiance et j'étais souvent en mesure de l'aider en l'accompagnant dans les cas où une présence masculine constitue un avantage matériel pour elle. À une occasion, je m'étais surnommé en riant son assistant, et c'est sous ce titre que je fus généralement connu par la suite. Il n'y avait qu'un seul inconvénient au plaisir que j'éprouvais à être associé à Dorcas Dean dans son travail d'investigation. Je constatais qu'il me serait impossible de ne pas reproduire mes expériences sous une forme ou une autre. Un jour, j'abordai le sujet avec prudence. « Ne craignez-vous pas que l'assistant révèle un jour les secrets professionnels de sa chef » dis-je. « Pas du tout, » répondit Dorcas. Tout le monde l'appelait Dorcas. Et j'avais pris cette habitude quand j'avais découvert qu'elle et son mari préféraient cette appellation à celle de Madame Dean. Je suis tout à fait sûr que vous ne pourrez pas résister à la tentation. Et vous ne vous y opposez pas. Oh non. Mais à condition que vous fassiez en sorte que l'on ne puisse pas relier les affaires avec les véritables parties concernées. Cela m'enleva une grande responsabilité et me rendit plus désireux que jamais de prouver que j'étais un assistant valable pour la charmante dame qui m'honorait de sa confiance. Nous étions assis dans la salle à manger un soir après le dîner. Madame Lester parcourait avec mépris le dernier numéro du Queen et se demandait à haute voix ce que les jeunes femmes pouvaient bien devenir avec leurs tailleurs et leurs costumes de bicyclette. Paul fumait la vieille pipe en racines de bruyère qui avait été sa compagne de tous les instants dans l'atelier lorsqu'il était capable de peindre, le pauvre, et Dorcas s'était allongé sur le canapé. Todd Hawkins, blotti contre elle, ronflait doucement à la manière des créatures de son espèce. Dorcas avait eu une semaine difficile et passionnante et n'avait pas honte d'avouer qu'elle se sentait un peu épuisée. Elle venait de réussir à sauver une jeune femme fortunée des griffes d'un aventurier russe sans scrupules et de stopper le mariage presque sur les marches de l'hôtel par la production opportune du dossier du futur marié qu'elle avait obtenu avec l'aide de M. Goron, le chef de la sûreté française. Il s'agissait d'un service en retour. Dorcas avait, peu de temps auparavant, entrepris pour M. Goron une délicate enquête dans laquelle le fils d'une des plus nobles maisons de France était impliqué et avait étouffé dans l'œuf un scandale qui aurait fait jaser les boulevards pendant 1 mois. Paul et moi parlions à voix basse, car la respiration mesurée de Dorcas nous indiquait qu'elle était tombée dans un état de somnolence. Soudain, Todd Hawkins ouvrit les yeux et poussa un aboiement de colère. Il avait entendu la cloche de la porte d'entrée. 1 minute plus tard, la servante entra et tendit une carte à sa maîtresse qui, les yeux encore à moitié fermés, était assise sur le canapé. le monsieur dit qu'il doit vous voir immédiatement, madame, pour une affaire de la plus haute importance. » Dorcas regarda la carte. « Faites-le entrer dans la salle à manger, » répondit-elle à la servante, « et dites-lui que je vais le rejoindre tout de suite. » Puis elle se dirigea vers le miroir posé sur le manteau de la cheminée et effaça les traces de son ensommeillement. « Vous le connaissez bien, » dit-elle en mettant dans la carte. « Colonel Hargreaves, Orley Park, près de Godalming. » Je secoua la tête et Dorcas, avec un petit sourire fatigué, alla voir son visiteur. Quelques minutes plus tard, la cloche de la salle à manger retentit et la servante entra dans le salon. « S'il vous plaît, monsieur, » dit-elle en s'adressant à moi, « Madame vous demande de bien vouloir la rejoindre tout de suite. » Lorsque j'entrai dans la salle à manger, je fus étonné de voir un homme âgé, à l'allure militaire, allongé dans le fauteuil, sans connaissance, et Dorcas Dean penché sur lui. « Je ne pense pas que ce soit autre chose qu'un évanouissement, » dit-elle. « Il est très excité et bouleversé. Mais si vous restez ici, je vais aller chercher du cognac. Vous feriez mieux de desserrer son col de chemise. Où devons-nous envoyer chercher un médecin ?»« Non, je ne pense pas que ce soit grave, » dis-je après avoir jeté un coup d'œil rapide à l'invalide. Dès que Dorcas fut parti, je commençai à desserrer le col du colonel. Mais j'avais à peine commencé que, poussant un profond soupir, il ouvrit les yeux et revint à lui. « Vous allez mieux maintenant, » dis-je. « Allons, c'est très bien. » Le colonel regarda fixement autour de lui pendant un moment, puis dit « Je... Où est la dame ? » ?»« Elle sera là dans un instant. Elle est allée chercher du cognac. »« Oh, je vais bien maintenant, merci. Je suppose que c'est l'excitation. Et j'ai voyagé, je n'ai rien mangé. Et je suis terriblement contrarié. Je ne fais pas souvent ce genre de choses, je vous assure. » Dorcas revint avec le cognac. Le visage du colonel s'éclaira dès qu'elle entra dans la pièce. Il prit le verre qu'elle lui tendait et en vida le contenu. « Je vais bien, maintenant, » dit-il. « Je vous prie de me laisser poursuivre mon histoire. J'espère que vous pourrez vous occuper de l'affaire immédiatement. Voyons voir, où en étais-je ? » Il me jeta un petit coup d'œil inquiet. « Vous pouvez parler sans réserve devant ce monsieur, » dit Dorcas. « Il est possible qu'il puisse nous aider si vous souhaitez que je m'en rende immédiatement à Orley Park. » « Jusqu'à présent, vous m'avez dit que votre fille unique, qui a 25 ans et qui vit avec vous, a été trouvée la nuit dernière au bord du lac de votre propriété, à moitié dans l'eau et à moitié hors de l'eau. Elle était inconsciente, on l'a transportée dans la maison et on l'a mise au lit. Vous étiez à Londres à ce moment-là, et vous êtes retourné à Orley Park ce matin à la suite d'un télégramme que vous avez reçu. Vous n'en étiez pas plus loin lorsque vous avez fait votre malaise. « Oui, oui, » s'exclama le colonel, « mais je suis tout à fait rétabli maintenant. » Lorsque je suis arrivé à la maison ce matin, peu avant midi, j'étais soulagé d'apprendre que Maud, c'est le nom de ma pauvre fille, était tout à fait consciente, et que le médecin avait laissé un message disant que je ne devrais pas m'inquiéter, et qu'il reviendrait me voir au début de l'après-midi. Je me rendis immédiatement dans la chambre de ma fille et la trouvai naturellement dans un état de grande faiblesse et de détresse. Je lui demandai ce qu'il s'était passé, car je ne comprenais pas, et elle me dit qu'elle était sortie dans le jardin après le dîner et qu'elle avait dû s'évanouir en arrivant au bord du lac et qu'elle était tombée à l'eau. « Est-ce un lac profond ?» demanda Dorcas. « Oui, au milieu, mais peu profond près du bord. C'est un grand lac, avec une petite île au centre, et nous avons une barque dessus. » « Il s'agit probablement d'un évanouissement soudain comme celui que vous venez de subir. Votre fille peut y être sujette. Non, c'est une fille tout à fait forte et en bonne santé. » « Je suis désolé de vous avoir interrompu, » dit Dorcas. « Continuez, je vous prie, car je présume qu'il y a autre chose qu'un évanouissement derrière cet accident, sinon vous n'auriez pas eu besoin de faire appel à mes services dans cette affaire. »« Il y a beaucoup plus que cela, » répondit le colonel Hargreaves en tirant nerveusement sur sa moustache grise. « J'ai quitté le chevet de ma fille en remerciant pieusement la Providence de l'avoir préservée d'une mort aussi terrible. Mais lorsque le médecin est arrivé, il m'a donné une information qui m'a causé le plus grand malaise et la plus grande inquiétude. Il ne croyait pas à la thèse de l'évanouissement, dit Dorcas, qui avait observé attentivement les traits du colonel. Le colonel regarda Dorcas Dean avec étonnement. Je ne sais pas comment vous avez deviné cela, mais votre supposition est exacte. Le docteur m'a dit qu'il avait interrogé Maud et qu'elle lui avait raconté la même histoire. Un vertige soudain et une chute dans l'eau. Mais il avait remarqué que sa gorge portait certaines marques et que ses poignets étaient meurtris. Lorsqu'il m'a raconté cela, je n'ai tout d'abord pas compris ce qu'il voulait dire. Ce doit être la violence de la chute, et je dis. Le médecin secoua la tête et m'assura qu'aucun accident ne pouvait expliquer les marques que son œil expérimenté avait détectées. Les traces autour de la gorge devaient avoir été causées par les mains d'un assaillant. Les poignets n'ont pu être meurtris de la sorte que par une prise violente et brutale. Dorcas Dean, qui avait écouté apparemment sans grand intérêt, se pencha avidement en avant lorsque le colonel fit cette déclaration extraordinaire. « Je vois, dit-elle, votre fille vous a dit qu'elle était tombée dans le lac et le docteur vous assure qu'elle a dû vous mentir. Elle a été poussée ou jetée dans l'eau par quelqu'un après une lutte acharnée. Oui. Et votre fille, lorsque vous l'avez interrogée sur le sujet, qu'a-t-elle dit ? Elle est apparue très excitée et a fondu en larmes. Lorsque j'évoquais les marques sur sa gorge, qui maintenant commençaient à se décolorer, elle déclara qu'elle avait inventé l'histoire de l'évanouissement pour ne pas m'alarmer, qu'elle avait été attaquée par un vagabond qui avait dû s'introduire sur les terres, qui avait essayé de la voler, et que dans la lutte qui avait eu lieu près du bord du lac, il l'avait jetée dans l'eau et s'était ensuite enfui. « Et cette explication, vous l'acceptez ? » dit Dorcas en regardant le colonel avec insistance. « Comment le pourrais-je ? Pourquoi ma fille a-t-elle essayé d'effrayer un clochard ? Pourquoi a-t-elle menti au médecin ? Le premier réflexe d'une femme terrifiée et qui aurait échappé à une mort atroce aurait été de décrire son adversaire afin qu'il puisse être arrêté et traduit en justice. Et la police a-t-elle fait des recherches ? A-t-elle appris si des personnes suspectes avaient été vues ce soir-là ? Je ne suis pas allé à la police. J'en ai parlé avec le médecin. Il dit que l'enquête rendrait l'affaire publique et l'on saurait partout que l'histoire de ma fille, qui a fait le tour du quartier, était fausse. Mais l'affaire est si mystérieuse et pour moi si alarmante que je ne pouvais pas la laisser en état. C'est le docteur qui m'a conseillé de vous écrire et de faire en sorte que l'enquête soit privée. Vous n'avez besoin de personne si vous pouvez persuader votre fille de dire la vérité. Avez-vous essayé ? Oui. Mais elle insiste sur le fait qu'il s'agissait d'un clochard et déclare que jusqu'à ce que les Bleus la trahissent, elle s'en est tenue à l'histoire de l'évanouissement afin de m'alarmer le moins possible. Dorcas Dean se leva. « À quelle heure part le dernier train pour Godalming ?»« Dans une heure, » dit le colonel en regardant sa montre. « À la gare, ma voiture nous attendra pour nous conduire à Orley Court. Je veux que vous restiez sous mon toit jusqu'à ce que vous ayez découvert la clé du mystère. »« Non, » dit Dorcas après une minute de réflexion. « Je ne peux rien faire de bon ce soir, et mon arrivée avec vous ferait jaser les domestiques. Retournez seul. Appelez le docteur. Dites-lui que sa patiente a besoin de soins constants pendant les prochains jours, et qu'il fasse venir de Londres une infirmière qualifiée. L'infirmière diplômée arrivera demain vers midi. « Et vous ?» s'exclama le colonel. « Vous ne venez pas ?» Dorcas sourit. « Aussi, je serai l'infirmière diplômée. » Le colonel se leva. « Si vous pouvez découvrir la vérité, me faire savoir ce que ma fille me cache, « je vous en serai éternellement reconnaissant, » dit-il. « Je vous attends demain midi. » Demain midi, vous attendez l'infirmière qualifiée que le médecin a mandée par télégramme. « Bonsoir. » J'accompagnai le colonel Hargraves à la porte et je le vis traverser le jardin jusqu'au portail. Lorsque je rentrai à la maison, Dorcas Dean m'attendait dans le hall. « Êtes-vous occupé pour les prochains jours ?» me demanda-t-elle. « Non, je n'ai pratiquement rien à faire. » « Alors accompagnez-moi à Godalming demain. » « Vous êtes un artiste, et je vous obtiendrai la permission de dessiner ce lac pendant que je soigne ma patiente à l'intérieur. » Il était plus de midi lorsque la calèche, louée à la gare, s'arrêta aux portes du pavillon d'Orley Park, et la femme du gardien les ouvrit pour nous laisser entrer. « Vous êtes l'infirmière de Mademoiselle Maud, je suppose, mademoiselle » dit-elle en jetant un coup d'œil sur le costume d'infirmière de Dorcas. « Oui. » « Le colonel et le docteur sont tous deux à la maison et vous attendent, mademoiselle. J'espère que ce n'est pas grave pour la pauvre jeune femme. »« J'espère aussi, » dit Dorcas avec un sourire agréable. Une minute ou deux plus tard, la calèche s'arrêta à la porte d'un vieux manoir élisabétain pittoresque. Le colonel, qui avait vu le cabriolet depuis la fenêtre, nous attendait sur les marches et nous conduisit immédiatement dans la bibliothèque. Dorcas expliqua ma présence en quelques mots. J'étais son assistant. Et par mon intermédiaire, elle serait en mesure de faire toutes les recherches nécessaires dans le voisinage. Monsieur Saxon sera un artiste peintre à qui vous avez donné la permission de faire un croquis de la maison et du terrain. Je pense que c'est la meilleure solution. Le colonel me promit que j'aurai libre accès à toute heure au domaine et il fut convenu que je logerais dans une jolie petite auberge située à environ un demi-mile du parc. Ayant reçu de Dorcas des instructions complètes, je savais exactement ce qu'il fallait faire, et je lui dis au revoir jusqu'au soir, où je devais passer à la maison pour la voir. Le médecin entra dans la chambre pour conduire la nouvelle infirmière au chevet de la patiente, et je partis suivre mes instructions. À The Checkers, enseigne de l'auberge, à peine avait-on appris que j'étais artiste et que j'avais la permission de faire des croquis dans les jardins d'Orley Park, que la propriétaire commença à me raconter l'accident qui avait failli coûter la vie à Mademoiselle Hargraves. L'histoire de l'évanouissement, la seule qui avait circulé, avait été acceptée en toute bonne foi. « C'est un endroit solitaire, ce lac, et il n'y a personne sur la propriété la nuit, monsieur. » Il est étonnant que la pauvre jeune femme ait été trouvée si tôt. « Qui l'a trouvée ? » demandai-je. « L'un des jardiniers, qui vit dans un cottage du parc. Il est allé à Godalming pour la soirée, et rentré chez lui en passant devant le lac. Quelle heure était-il ? Presque 10 heures. Il a eu de la chance de la voir, car la nuit était tombée depuis près d'une heure, et il n'y avait pas de lune. Qu'a-t-il pensé quand il l'a trouvée ? Eh bien, monsieur, pour vous dire la vérité, il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un suicide, car la jeune femme n'était pas allée assez loin et qu'elle avait perdu conscience. Bien sûr, il n'a pas pu imaginer qu'il s'agissait d'un meurtre ou de quoi que ce soit de ce genre, ai-je dit, car personne ne pouvait entrer la nuit sans passer par les portes du pavillon. Oh oui, c'est possible à un endroit, mais il faut être quelqu'un que les chiens connaissent ou être avec une personne qui les connaît. Il y a 2 grands mastifs qui courent vite et aucun étranger n'essaierait de grimper par-dessus. C'est une porte latérale utilisée par la famille, monsieur, après qu'ils aient commencé à aboyer. Savez-vous s'ils ont aboyé cette nuit-là ? Eh bien oui, dit la propriétaire. Maintenant que j'y pense, M. Peters, c'est le gardien de la propriété, les a entendus. Mais ils se sont tus au bout d'une minute et il n'y a plus prêté attention. Cet après-midi-là, le premier endroit que j'avais décidé de dessiner était la loge du gardien. Je trouvais M. Peters à la maison et mon laissé-passer du colonel m'assura immédiatement ses bonnes grâces. Sa femme lui avait parlé de l'étrange monsieur qui était arrivé avec l'infirmière, et je lui expliquais qu'il n'y avait qu'une seule calèche à la gare, et ayant la même destination. L'infirmière m'avait gentiment permis de partager le véhicule avec elle. Je fis des marques au crayon et pris des notes détaillées dans mon nouveau carnet de croquis, en disant à M. Peters que je faisais seulement une étude préliminaire grossière, afin de dissimuler mon amateurisme, et de faire en sorte que le digne homme continue à me raconter l'accident de sa jeune maîtresse. Je me référai à la déclaration de la propriétaire selon laquelle il avait entendu des chiens aboyer cette nuit-là. « Oh oui, mais ils se sont tués immédiatement. Probablement un étranger qui passait par la porte latérale, hein ?»« Très probablement, monsieur. J'étais un peu inquiet au début, mais quand ils se sont calmés, j'ai pensé que tout était normal. Pourquoi étiez-vous inquiet ? Ce soir-là, un homme à l'allure étrange traînait dans les parages. Ma femme l'avait regardé au portail du pavillon vers 7 heures. Un clochard ? Non, c'était un gentleman. Mais il a donné du fil à retordre à ma femme. Il avait des yeux si fous et si fixes, mais il parlait bien. Ma femme lui a demandé ce qu'il voulait, et il lui a demandé quel était le nom de la grande maison qu'il pouvait voir et qui y vivait. Elle lui a dit que c'était Orley Park et que le colonel Hargraves y vivait. Il l'a remercié et s'en est allé. Un touriste, peut-être, monsieur, ou peut-être un gentleman artiste, comme vous. Quelqu'un qui demeure dans la région et qui examinait ses beautés, sans doute. Non, quand j'en ai parlé le lendemain en ville, j'ai appris qu'il était arrivé par le train cet après-midi-là. Les porteurs l'avaient remarqué, il avait l'air si bizarre. Je terminai mon croquis et demandai à M. Peters de m'emmener sur les lieux de l'accident. Il s'agissait d'un grand lac qui correspondait à la description donnée par le colonel. C'est là que Mademoiselle Maud a été trouvée, expliqua M. Peters. Vous voyez qu'il y a peu de profondeur et sa tête était sur la rive, ici, hors de l'eau. Merci. C'est une charmante petite île au milieu. Je vais fumer une pipe ici et dessiner. Je ne vous retiens pas plus. » Le gardien se retira, et obéissant aux instructions reçues par Dorcas Dean, j'examinai l'endroit avec soin. Des empreintes de bottes à clous étaient nettement visibles dans la boue, sur le côté, près de l'endroit où la lutte, admise par Mademoiselle Hargraves, s'était déroulée. Elle pouvait être celle du clochard ou du jardinier. Je n'étais pas assez habile dans l'art des empreintes de pas pour le déterminer. Mais j'avais obtenu un certain nombre de renseignements, et c'est sur cette base qu'à 7 heures, je me rendis à la maison et demandai à voir le colonel. Je n'avais évidemment rien à lui dire, si ce n'est de lui demander de faire savoir à Dorcas Dean que j'étais là. Quelques minutes plus tard, Dorcas va me voir, coiffée de son bonnet et vêtue de son manteau. « Je vais me promener pendant qu'il fait jour, » dit-elle. « Venez avec moi. » Dès que nous fûmes sortis, je lui transmettais mes informations et elle décida immédiatement de visiter le lac. Elle examina attentivement la scène de l'accident et je soulignai les marques de bottes. « Oui, » dit-elle, « ce sont probablement celles du jardinier. Je cherche celles de quelqu'un d'autre. De qui ?»« Voici, » dit-elle en s'arrêtant soudain et en me montrant une série d'empreintes dans le sol au bord du terrain. « Voici les empreintes d'une femme. » Et en voici d'autres, plus grandes, à côté d'elle, maintenant proches, maintenant un peu éloignées, maintenant se croisant. Voyez-vous quelque chose de particulier dans ces empreintes? Non, sauf qu'il n'y a pas de clous. Exactement. Les empreintes sont petites, mais plus grandes que celles de Mademoiselle Hargraves. La forme est élégante. Vous voyez, les bouts sont pointus, et la semelle est étroite. Aucun clochard n'aurait de telles bottes. Où avez-vous dit que Madame Peters avait vu cet homme à l'allure étrange? Il regardait à travers le portail d'entrée. « Allons-y tout de suite. Madame Peters va nous ouvrir les portes. »« Quelle belle soirée, » dit Dorcas. « La ville est-elle loin ?»« 2 miles, mademoiselle. »« Oh, c'est trop loin pour moi ce soir. » Elle sortit son sac à main et prit de l'argent. « Vous voulez bien descendre à la première heure du matin pour m'acheter un flacon de senteur de violette des bois à la pharmacie ?»« Je m'en sers toujours et j'ai oublié d'en prendre avec moi. » Elle s'apprêtait à remettre de l'argent à Madame Peters, lorsqu'elle laissa choir son sac à main, et l'argent roula dans toutes les directions. Nous en ramassâmes la plus grande partie, mais Dorcas déclara qu'il manquait un demi-souverain. Pendant un quart d'heure, elle scruta dans toutes les directions à l'extérieur des portes du pavillon pour trouver ce demi-souverain disparu, et je l'y aidai. Elle chercha pendant 10 minutes à un endroit précis, un bout du chemin détrempé près de la porte de droite. Soudain, elle s'exclama qu'elle l'avait trouvé et glissant la main dans sa poche, elle se leva et remit à Madame Peters une pièce de 5 shillings pour le flacon. Elle me fit ensuite signe de la suivre et se mit à flâner sur la route. « Comment avez-vous pu faire tomber votre sac à main? Êtes-vous nerveuse ce soir » demandai-je. « Pas du tout, » répondit Dorcas avec un sourire. « J'ai laissé tomber mon sac pour que l'argent roule et me donne l'occasion d'examiner de près le terrain à l'extérieur des portes. Avez-vous vraiment trouvé votre demi-souverain ? Je n'en ai jamais perdu un seul. Mais j'ai trouvé ce que je cherchais. Et c'était les empreintes de l'homme qui se tenait devant le portail cette nuit-là. Elles ont exactement la même forme que celles qui se trouvent au bord du lac. La personne avec laquelle Maud Hargrave s'est battue cette nuit-là, la personne qui l'a jetée dans le lac et dont elle a tenté de dissimuler la culpabilité en déclarant qu'elle avait eu un accident, était l'homme qui voulait connaître le nom de l'endroit et demandait qui y vivait. L'homme aux yeux fous.